vue d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebou un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebou l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 15 mars 2020 et voici les grands titres de cette édition. L'artiste Eden Banga a remporté hier soir le trophée de la 8e édition de la compétition Isanganiro Awards et avec sa chanson Ijambo. Reportage à suivre dès le début de ce journal. La route reliant le chef-lieu de la province Mwaro et Fotan, commune Ndava, est ces jours-ci menacée par les eaux de pluie en provenance du massif de Gisese en commune Rusaka. Nous appellerons notre correspondant Laurent. Et dans la suite des portraits des candidats à l'élection présidentielle de mai prochain, aujourd'hui nous vous proposons celui de l'indépendant Dieudonné, Nahiman. Et en actualité internationale au Sénégal, 11 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés vendredi selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Et cela porte à 21 le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 2 sont déclarés guéris. Du coup, les écoles et universités sont fermées pour 3 semaines et toutes les manifestations publiques sont interdites pour un mois sur tout le territoire national. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. L'artiste Eden Banga a remporté hier soir le trophée de la 8e édition de la compétition Isanganiro Awards avec sa chanson Ijambo. La finale a eu lieu la soirée de ce samedi et c'est un sentiment de joie chez l'artiste burundaise Eden Banga qui réconforte les artistes qui étaient en lice avec elle. À côté d'autres cadeaux, le directeur de la radio Isanganiro a indiqué que cette chanson sera promue en la diffusant pendant toute une année sur cette station. Les détails avec Moïse Misako. Ijambo est la chanson de l'artiste Eden Banga, âgé de 18 ans, qui a remporté le trophée de Isanganiro Award 8e édition parmi 10 artistes qui étaient en finale de cette compétition. Eden Banga apprécie le pas franchi. Je suis tellement contente parce que c'est Jésus est la source de mon succès. Je célèbre son nom et sa parole. À la finale, vous étiez au nombre de 10. Un mot pour les autres qui n'ont pas gagné. Je les encourage à leur disant que dans les éditions qui suivront, ils auront la chance de gagner. La chanson Ijambo sera diffusée pendant toute une année sur les ondes de la radio Isanganiro, une station qui organise chaque année cette compétition. Sylvain Nakarutimana, directeur de cette station radio qui le dit, réconforte aussi les artistes qui n'ont pas eu la chance de gagner. Côté du trophée, on lui donne des instruments qu'il peut utiliser ou qu'elle peut utiliser lors de sa musique. Ces instruments-là sont accompagnés par une enveloppe d'argent qui peut aider l'artiste qui gagne. Nous lui donnons aussi une occasion de promotion de sa musique pendant toute une année. Quelque chose de très important parce que lorsque on a une promotion à travers une radio qui est très bien écoutée, on en profite pour être connu. Eden Banga a gagné aujourd'hui et je crois que le résultat était serré. C'est pas à dire qu'elle a fait un grand écart par rapport aux autres. Je les encouragerai à ce qu'ils puissent continuer à travailler beaucoup plus. S'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ils peuvent gagner demain. La 7e édition de la compétition Isanganiro Award avait été remportée par Bernice avec sa chanson Iwachi Burundi en 2019. Merci Moïse Misago. Et dans la suite des profils de 6 candidats présidentiels nouvellement validés par la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui, l'on vous parle de l'identité de Dieudonné Nahiman. Ses études ont été consacrées sur le leadership et des formations pastorales. Aujourd'hui, il est évangéliste. Elinibel Nibigira. Dieudonné Nahiman est natif de la province Muyinga. Il est né à Kinama, de la commune Gasogwe, le 17 mai 1974. Il est l'office du député Fidèle Nahimana et Azel Nkonzi Yondora. Il a fait ses études primaires à l'école primaire Ndobihogo, puis Muyinga 1 de cette même province part à Nyamugari 1 de la province Bururi et les termine en juillet 1990. Il commence ses études secondaires au lycée Bururi qu'il quitte en 1994 pour les suivre au lycée du lac Tanganyika à Merido Bujumbura et termine en 1996. Après les études secondaires, il a consacré sa formation aux études universitaires pastorales et de leadership car, en 1999, il a fait l'Institut Biblique Héritage. En 2004, il a fait la gestion des conflits et leadership à Bujumbura, puis à Nairobi au Kenya, en Afrique du Sud et ailleurs. Il a été formateur en informatique à l'école française de Bujumbura de 2000 à 2003, puis formateur et facilitateur agréé à Londres. Il fut le président directeur général de l'ONG New Generation, œuvrant dans l'encadrement des jeunes de 1998 à 2019. Dieudonné Nahimana est un pasteur et a même présidé le conseil des anciens de Roses Christian Center Burundi de 2010 à 2019 avant d'être représentant légal du réseau des organisations des jeunes en action REJA. Nahimana détient des idées qui visent à la transformation de la société sur base des valeurs d'humanité et de l'éthique chrétienne. La radio de l'avenir. La jeunesse burundaise devrait bâtir ensemble la paix malgré leurs différences d'appartenance politique, ethnique ou religieuse. C'est un appel de Charles Nkazamyame, une des figures emblématiques de l'athlétisme burundais et représentant légal de la Fondation Amahoro. Appel formulé à l'occasion de la finale d'un tournoi de paix organisé en commune de Gatara de la province Kayanza à l'endroit des jeunes. Dévote Ndaï Zeye, administrateur de la commune Gatara, salue cette initiative de la Fondation Amahoro et souhaite que ses enseignements sur l'amour de la paix soient d'une grande importance pour les jeunes de sa commune, surtout en cette période électorale. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Dans ce tournoi de la paix, organisé par la Fondation Amahoro et qui a réuni les jeunes des trois zones de la commune Gatara ce samedi dernier, ces jeunes ont pu démontrer différents talents à travers l'athlétisme, les chants et danses traditionnels, le poème, le jeu et ainsi de suite. Charles Nkazamyame, représentant légal de la Fondation Amahoro qui a organisé cette compétition, indique que cette activité a pour objectif propagation de la paix à travers tout le pays via le sport car, ajoute-t-il, le sport est considéré comme un pont qui relie toutes les couches de la société, malgré leurs différences d'opinion politique, ethnique, religieuse, etc. Son représentant de la Fondation Amahoro, une d'ailleurs des figures emblématiques de l'athlétisme burundais, fait savoir qu'à travers le jeu, les gens se voient unis et solidaires. Il ajoute également que lorsque les jeunes bâtissent ensemble la paix, ils s'attellent massivement aux travaux d'autodéveloppement en particulier et à ceux du développement communautaire en général. À cet effet, Charles Nkazamyame appelle les jeunes de la commune Gatara à asseoir la paix, à rester unis et solidaires et surtout ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques. Ceux qui ont gagné la finale ont bénéficié de différents prix après la compétition. Les jeunes de Gatara, participant à ce tournoi, se disent satisfaits des différents enseignements récits de la part de la Fondation Amahoro sur l'amour de la paix et promettent de s'en approprier dans les jours à venir. Dévote Ndaï Zeye, administrateur de la commune Gatara, salue l'initiative de la Fondation Amahoro dans la commune qu'il représente. Selon elle, les enseignements sur l'amour de la paix à l'endroit des jeunes de la commune Gatara leur permettront à bien vivre harmonieusement, surtout en cette période électorale. Depuis Kanza, Patrick Enseigneur va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. La route reliant le chef-lieu de la province Mwaro et Fota en commune Ndava est ces jours-ci menacée par les eaux de pluie en provenance du massif de Gisase en commune Rusaka. Dans la vallée de Ndjaga, une partie du pont situé sur cette route est déjà endommagée. Au niveau de l'administration dans cette localité, l'on signale que l'entretien des courbes de niveau se trouvant sur ce massif peut contribuer à réduire les dégâts causés par ces eaux de ruissellement. Correspondance de Laurent Dicourillo. Sur cette route qui relie le chef-lieu de la province Mwaro et Fota en commune Ndava et continue vers la commune Kiganda de la province Muramvya, au niveau de la vallée de Ndjaga, c'est situé sur la colline Bisha en commune de Lusaka. Il y a deux ponts par lesquels descendent ces eaux de pluie en provenance du massif de Gissassé. Sur le premier pont, certaines tôles qui formaient la buse de ce pont sont détachées et sont à environ 5 mètres en bas de ce pont suite à ces eaux de pluie. Une partie de ce pont a été aussi détruite. Les moellons qui étaient dans le temps emballés dans des fils métalliques pour soutenir le pont sont partiellement détruits. À ce niveau, la route ne garde qu'environ 2 mètres de largeur alors qu'elle avait environ 6 mètres. Pour pouvoir passer, les véhicules et motos doivent utiliser cette partie restante. Sur le deuxième pont, situé à une centaine de mètres du premier en direction de Fota, les morceaux d'arbres, les herbes et même les pierres bloquent les buses. Quand il pleut, il arrive que l'eau passe au-dessus du pont et laisse même des pierres charriées à partir du massif de Gissassé. Aussi des fois, ces pierres endommagent le tuyau qui amène de l'eau au chef-lieu de la province Moaro, entraînant des coupures d'eau. La population des collines proches dit qu'elle ne voit pas de solution à cette situation. Le chef de la zone Makamba, en commune de Lusaka, Athanase Mpawinayo, dit que les courbes de niveau qui ont été tracées sur ce massif de Gissassé il y a environ 10 ans ne sont pas entretenues. Il demande à la population de ces collines d'entretenir ces courbes de niveau pour réduire la vitesse de ces eaux de ruissellement en provenance du massif de Gissassé. Tout Moaro, Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Actualité sportive en bref. Le championnat national de la première division dans le football féminin, édition 2019-2020, prend fin ce dimanche après-midi. Et dans le match de clôture de ce championnat, la formation Fofila PF croisait le fer avec PVP Bouyenzi au stade Inouari de Bujumbura. L'équipe Fofila PF vient toujours en tête du classement provisoire avec 52 points. PVP Bouyenzi est deuxième avec 47 points au moment où la Colombe FC occupe la troisième position avec 40 points. Les équipes qui sont déjà reléguées en deuxième division dans le championnat de la saison prochaine sont entre autres Lyon Star d'Ongozi et Christ Roi de la province de Gitega. Et au handball, les matchs comptant pour la finale du tournoi d'ouverture du championnat national ont eu lieu ce dimanche à Bujumbura. Côté féminin, la formation militaire Muzinga a affronté celle de la police Rukinzo. Côté masculin, l'équipe universitaire Rumuri devait croiser le fer avec SOS. Et lors des matchs des demi-finales disputés ce samedi, Rumuri a battu Galaxy sur un score de 26 points à 10 au moment où SOS a éliminé l'équipe Inouari sur un score de 21 points. Actualité internationale. Le Sénégal prend des mesures pour contenir la propagation du coronavirus, notamment la fermeture des écoles et universités pour une période de 3 semaines. L'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Même les manifestations prévues dans le cadre de la fête nationale du 4 avril sont annulées, a déclaré samedi le président Macky Sall. Ces mesures comprennent également la suppression de l'accueil des bateaux de croisière ainsi que le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritime. Les formalités nationales pour le pèlerinage 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté sont également suspendues dans le pays. 22 patients sont actuellement pris en charge. 3 cas détectés ce samedi s'ajoutent aux 11 nouveaux cas positifs qui avaient été enregistrés vendredi à Touba, la ville de la communauté religieuse des Mourides, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Et la chanteuse malienne Rokia Traoré annonce qu'elle est en grève de la faim depuis son arrestation à Paris mardi 10 mars. L'artiste malienne est actuellement incarcérée en France après l'émission d'un mandat d'arrêt européen par la justice belge pour enlèvement, séquestration et prise d'otage dans le cadre d'un litige avec son ex-compagnon au sujet de la garde de leur fille. L'avocat du père de l'enfant annonce une offensive médiatique pour détruire la réputation de son client. Mais dans un message publié sur sa page Facebook et dans une lettre relayée par son avocat, Rokia Traoré continue de dénoncer la décision du tribunal de Bruxelles. Les juges ont accordé à l'ex-compagnon belge de la chanteuse la garde exclusive de leur fille. Or, selon l'avocat de Rokia Traoré, le père est toujours visé par une plainte pour attouchement sexuel sur son enfant en France et au Mali. Une autre plainte a été déjà classée sans suite en Belgique. Une audience est prévue à Paris mercredi prochain, le 18 mars, pour décider de l'extradition ou non vers la Belgique de Rokia Traoré. Selon le ministre malien des Affaires étrangères, Thiye Bile Dramé, Rokia Traoré est soutenue par son gouvernement depuis le début de l'affaire. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.